Cartel Records. À deux doigts de la folie, pas qu'à m'isoler. Ils ont plus de principe donc je préfère m'isoler. J'ai ouvert mon cœur, je me suis fait voler. J'ai les yeux verts, j'rêve de billets violets. Nouvelle époque, tout le monde est fêlé. Toute une jeunesse à se faire interpeller. Contrôle d'identité, nom de famille épelé. Des euros, des runners, des kilos sous scellé. Des plus sur écoute, des numéros, des crocs, gratte la smie, y'a trop de monde à rifler. En été torse nu sur l'avenue, capuché dans un hall en fumée quand il pleut. Toute l'année c'est la cannabis cup, c'est verre dans mon vaucer, toi c'est que quand tu peux. Y'a de la weed tellement chimique, elle brille dans le noir, passe me voir au tiers quand tu veux. Les bleus nous lâchent pas la grappe, trouve rien, pourtant rien que ça palpe. GP vénère quand ça rate, rouleau calé, j'suis dans le pâte. J'rappe la rue, j'fais pas de la trappe, j't'allume sur un demi de frappe. 6h du matin, ça frappe, t'es l'eau, ne chier, j'fais un snap. Quand c'est noir dans ma tête, ah, que des images trash. J'ai pas assez ramassé, non, j'peux pas tourner la page. Ici rien n'est gratuit, ah, tu veux, tu payes cash. J'suis avec mouche dans la cova, j'ai char, y'a la douane au péage. Ça baisse des escortes, mieux que Shakira, ça défend le terrain comme piqué. J'sais pas ce qui m'arrive, j'ai des doutes sur tout le monde, mais quelle mouche m'a piqué. On a gâché nos jeunesses, notre avenir pour la rue, ouais, on s'est fait niquer. Si tu touches à la mif, j'aurais aucun remords à marcher broliqué. C'est la rue, 16 ans, béton, ça parle cru. Y'a pas de mytho, y'a de la frappe qui t'envoie sur Pluton. Midi, minuit, ça coche Louis Vuitton. On s'embarre ça, écoule des litrons. Sur le terrain, non y'a pas de mi-temps, pas non plus de chrome. Paye-nous, content, j'ai misé gros et j'ai perdu mon temps. C'est la rue, 16 ans, béton, ça parle cru. Y'a pas de mytho, y'a de la frappe qui t'envoie sur Pluton. Midi, minuit, ça coche Louis Vuitton. On s'embarre ça, écoule des litrons. Sur le terrain, non y'a pas de mi-temps, pas non plus de chrome. Paye-nous, content, j'ai misé gros et j'ai perdu mon temps. Y'a quoi perdre le nord, tous déboussolés. Alcool et drogue, on a trop consommé. On a fait du mal, n'était pas désolé. Même Jack et Marie n'arrivent pas à me consoler. Quand je pense à mes frères, emprisonnés, même s'ils me disent que ça va, qu'ils en détruisent azolés. Je sais que tes petites cheveux, ils en ont marre de les coller. Trop de fantômes dans leur peine, plus envie de rigoler. C'est la street, ça monte au charbon pour l'argent, le silence vaut de l'or. Dans nos rues, ça pue la poisse et la pisse, il est sale le décor. Ça fait longtemps qu'on s'aide plus, chacun sa merde, chacun ses vies, chacun ses torts. Ouais, je sais que tu me comprends si, comme moi, certains soirs t'as dû dormir dehors. C'est la rue, 16 ans, béton, ça parle cru. Y'a pas de mytho, y'a de la frappe qui t'envoie sur Pluton. Midi, minuit, ça coche Louis Vuitton. On s'embarre ça, écoule des litrons. Sur le terrain, non, y'a pas de mi-temps, pas non plus de chrome. Paye-nous, content, j'ai misé gros et j'ai perdu mon temps. C'est la rue, 16 ans, béton, ça parle cru. Y'a pas de mytho, y'a de la frappe qui t'envoie sur Pluton. Midi, minuit, ça coche Louis Vuitton. On s'embarre ça, écoule des litrons. Sur le terrain, non, y'a pas de mi-temps, pas non plus de chrome. Paye-nous, content, j'ai misé gros et j'ai perdu mon temps. C'est la rue, 16 ans, béton, ça parle cru. Y'a pas de mytho, y'a de la frappe qui t'envoie sur Pluton. Midi, minuit, ça coche Louis Vuitton. On s'embarre ça, écoule des litrons. Sur le terrain, y'a pas de mi-temps, pas non plus de chrome. Paye-nous, content, j'ai misé gros et j'ai perdu mon temps. C'est la rue, 16 ans, béton, c'est la rue. Y'a pas de mytho, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est la rue. Ça coche Louis Vuitton, c'est la rue. Écoule des litrons, c'est la rue. Y'a pas de mi-temps, c'est la rue. Paye-nous, content, j'ai misé gros et j'ai perdu mon temps.